Chapitre 9e. Le théâtre européen. Les courses. La course en charrette à bœufs. Il est, dit-on, de tradition pour fonder une colonie que les Espagnols baptisent d'abord un couvent, les Italiens une église, les Hollandais une bourse, les Anglais un fort et les Français un théâtre et une salle de bal. Saïgon est tout à fait en règle, car la ville possède d'élégantes salles de bal et aussi un théâtre subventionné. Le mot d'ordre est donc de se distraire et, pendant la saison sèche, les 6 mois de théâtre contribuent à faire de notre capitale la plus élégante des villes coloniales. Le théâtre actuel, pour provisoire qu'il soit, ne manque pas d'un certain confort. La troupe est comme toutes les troupes d'exportation. Il y a d'excellents sujets, mais ils ont généralement eu trop de longs succès. Les ténors ont des trous dans la voix et les marguerites sont parfois un peu fanées. D'autres sujets, au contraire, débutent dans la carrière et ont été éblouis par des engagements magnifiques. Enfin, sans rire, avec quelques coupures aux endroits périlleux, on donne le grand opéra Kainga. L'opéra comique est cependant mieux de saison et l'opérette plaît avant tout. La municipalité bienveillante donne chaque année pour l'entreprise théâtrale une subvention, dont maintes villes de province et non des moins importantes seraient Fortaise. Les Saigonnais sont parfois facétieux. La société des courses est une curieuse manifestation de cette tournure d'esprit. Saïgon a son petit Longchamp. L'hippodrome est fort beau, sur une vaste pelouse découverte. L'ovale de la piste est peut-être exagéré pour ses courses de poupées. Ces pauvres tout petits chevaux anamites, si gentils devant leur légère voiture sur les belles allées de la ville, inspirent une véritable pitié sur le champ de course, entraîné à grands coups de cravache par des indigènes improvisés jockeys et cramponnés à la crinière de leur monture à la manière des singes de cirque. Malgré l'attrait relatif de ce sport, je ne crois guère que la race ait quoi que ce soit à gagner au surmenage de ces charmantes petites bêtes, et la subvention largement octroyée à la société hippique serait, à mon sens, mieux employée à établir des haras dans la vaste Cochinchine pour au moins avoir des chevaux avant de songer à faire courir. En effet, les chevaux deviennent rares et partant chers. Le Cambodge fournit de fort beaux types, mais là encore, la reproduction est mal assurée. Et sans être le moindrement pessimiste, il faut prévoir l'époque où il n'y aura plus de chevaux dans la colonie, ce qui serait vraiment dommage. Cette petite race nerveuse, solide et si facilement maniable que les enfants se font un jouet de leur voiture et de leur cheval, est digne d'attirer l'intérêt des pouvoirs publics suivant la formule consacrée. Si encore le pousse-pousse devait s'acclimater à Saïgon, on regretterait moins, au point de vue pratique, la disparition de la race chevaline. Mais toutes les tentatives faites jusqu'à ce jour pour établir ce mode de locomotion ont été vaines. La raison de cet état de choses est curieuse. La Namite se refuse absolument à traîner un Chinois dans un pousse-pousse. Le Chinois ne consent pas davantage à voiturer la Namite. Le Chinois, en effet, en Cochinchine, n'est pas comme au Tonkin, par exemple, un conquérant ou un ancien conquérant. Il n'a jamais dominé complètement sur le delta du Mekong. Et les anciens Kham sont toujours là pour affirmer leur résistance à l'absorption mongolique. La Namite met une fierté légitime à ne point servir un Chinois. D'autre part, les Chinois ne sont pas aussi nombreux en Cochinchine qu'au Tonkin, région toute voisine de leur empire. Les fils du ciel, qui sont venus chercher une fortune facile loin de leur patrie, ne consentent pas à une besogne aussi peu rémunératrice et aussi pénible. Et peut-être aussi, l'impôt que nous avons établi sur chaque tête de Chinois est peu fait pour attirer les pauvres diables de coulis qui n'auraient pour seul revenu que leur métier de tireur de pousse-pousse. Ces nombreuses raisons ont fait échouer tous les essais tentés jusqu'à présent pour faire courir ces véhicules dans les allées vertes de la ville. Je ne parle pas des idées émises à ce sujet par les professionnels de la dignité humaine. Naturellement, ils s'opposent à ce fait de voir un homme charroyer un autre homme. Les autorités de la colonie n'ont pas suivi ces philanthropes dans leurs spéculations de sentiments, et ce sont les seules difficultés que j'ai dites qui ont empêché les pousse-pousse de trotter comme dans toutes les autres villes d'Extrême-Orient. J'avoue que mes idées humanitaires ne m'empêchent point de souhaiter à Saïgon ce genre de locomotion fort commode et si peu dispendieux. La société des courses pourrait même ajouter un numéro intéressant au programme de ces réunions, le match de pousse-pousse. n'a-t-elle pas déjà la course en charrette à bœufs? C'est bien une des choses les plus curieuses que j'ai vues. Sont en ligne une vingtaine de charrettes trois, d'un modèle tout particulier. Chaque charrette est attelée de deux bœufs cambodgiens au fort garrot, attachés par le joug à une longue flèche, lestement redressée en corne. Ces attelages sont ornés de palmes, abondamment pourvus de grelots et encombrés d'une grappe d'anamite. Dès que la cloche du départ a donné l'essor à ces bizarres véhicules, tout cela fait un bruit d'enfer, les grelots tintent, les indigènes armés de longues houlettes excitent de la voix et surtout du geste les pauvres animaux qui galopent d'une allure extraordinaire, insensés de tous côtés. Bêtes, gens et charrettes se choquent, se renversent, se relèvent. Cette course d'un si nouveau genre dure quelques minutes de folle gaieté pour les spectateurs. À peine deux ou trois chars arrivent au poteau, reçoivent le prix de leurs efforts, tout le reste est dérobé ou à culbuter en tous sens par-dessus les barrières de la piste. Le plus étonnant, c'est qu'à ce jeu endiablé, je n'ai vu se tuer personne, et pas le moindre bœuf éventré. Il y a certainement là une excellente idée comique, et si la société des courses ne fait pas grand-chose pour l'amélioration de la race chevaline, elle cherche au moins à amuser son monde.